Bonjour et bienvenue dans le nouveau magazine scientifique de France Inter, du vent dans les synapses. Pas une semaine ne passe sans qu'une nouvelle étude ne paraisse sur le microbiote intestinal. Ces micro-organismes qui peuplent notre tube digestif s'avèrent indispensables à notre bien-être. Des déséquilibres de cette flore microbienne pourraient être impliqués dans des troubles tels que l'asthme, les affections intestinales inflammatoires, l'obésité ou encore le diabète de type 2. Ces découvertes récentes laissent entrevoir de nouvelles approches thérapeutiques. Nous allons en parler cet après-midi à l'occasion de la diffusion d'un documentaire intitulé « Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre » ce soir sur Arte à 22h20 en partenariat avec France Inter. Dans la revue d'actu de la semaine avec Sophie Bécherel et Mathieu Novak, nous parlerons entre autres de la découverte du plus ancien comportement animal collectif connu à ce jour et de boîtes de conserve préhistoriques. À 16h, le glaciologue Cyprien Verseux nous racontera les 9 mois qu'il a passé au beau milieu de l'Antarctique dans une base scientifique qui, pendant l'hiver austral, est totalement isolée du reste du monde. Et en fin d'émission, nous nous intéresserons aux particularismes régionaux de la langue française avec le linguiste Mathieu Avanzi. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes avec à la technique Rémi Sistiaga et Florent Layani. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Les microbiotes, c'est comme une forêt avec un tas d'espèces qui interagissent. Des petites fougères, des arbres, des sapins, des insectes, des animaux, beaucoup d'espèces en interaction. Et comme une forêt, le microbiote est fragile. Et pour parler du microbiote et de sa fragilité, autour de la table, Joël Doré, microbiologiste à l'INRA de Jouy-en-Josas, où il dirige l'unité Métagénopolis, et Harry Sokol, gastro-entérologue et chercheur à l'hôpital Saint-Antoine. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Joël Doré, l'analogie que nous venons d'entendre entre notre microbiote intestinal et puis cette forêt et tout cet écosystème forestier, ça vous semble pertinent ? Bah, tout à fait. On est chaque humain porteur de ou en interaction avec 50 000 milliards de bactéries et des champignons, des levures, des archées, des phages, des virus. Donc on est effectivement un écosystème. On est plus que ça encore. On est une symbiose. On interagit en permanence avec ces microbes. C'est ça. Non seulement ils nous peuplent, mais en fait ils font un peu partie de nous, tous ces micro-organismes que vous venez de citer. Pas seulement des bactéries, hein, vous nous avez dit. C'est beaucoup plus vaste que ça, ce microbiote. Tout à fait. Et ils sont en interaction permanente avec nos cellules, ils vont contribuer à notre développement après la naissance et à notre construction fonctionnelle. Oui, Harry Sokol, si on réfléchit à ça, finalement, notre corps, il y a davantage de cellules extérieures à notre corps avec ces micro-organismes que de cellules qui font partie de notre corps. Effectivement, pendant longtemps, on a dit qu'il y avait 10 bactéries à peu près pour une cellule humaine. Ces chiffres ont été revus récemment. On dit maintenant qu'il y a à peu près autant de bactéries que de cellules humaines. Mais si on ajoute à ces bactéries les champignons, les virus dont Joël a parlé, effectivement, on a plus de cellules non humaines dans notre corps que de cellules humaines. Quand on passe sur la balance et qu'on se pèse, une bonne partie du poids qui s'affiche est celle de ce microbiote ? Effectivement, on estime que à peu près 2 kilos chez un adulte normalement constitué, c'est ce que pèse le contenu intestinal. Alors ça ne veut pas dire que ce sont que des bactéries hein, dans ces 2 kilos, puisqu'on a aussi de l'eau, tout un tas d'autres éléments, mais effectivement, de l'ordre de 2 kilos. Alors, il ne faut pas les voir comme des parasites, hein, tous ces micro-organismes, ils jouent des rôles bénéfiques pour le fonctionnement de notre organisme. Quel genre de rôle jouent-ils ? Quel genre de service nous rendent-ils ? Alors, ce microbiote, il joue des rôles absolument fondamentaux pour le fonctionnement normal de notre organisme. On peut distinguer des rôles dans le métabolisme, la production d'un certain nombre de vitamines, la dégradation de produits toxiques que l'on peut ingérer volontairement comme les médicaments ou involontairement également. Un rôle dans l'immunité, stimulation de l'immunité, maturation de l'immunité dans l'intestin, mais aussi beaucoup plus globalement dans l'ensemble de notre corps. Un rôle dans la protection contre les infections, notamment dans l'intestin, puisque si vous avez un microbiote normalement constitué, les bactéries qui sont présentes vont entrer en compétition avec des mauvaises bactéries qu'on peut rencontrer, par exemple. Et puis également, c'est plus récent et peut-être plus surprenant, un rôle dans la modulation des fonctions de notre cerveau. Ça paraît un petit peu farfelu comme ça quand on le dit, mais en fait, il y a énormément de raisons de penser que c'est vrai. Joël Doré, quel genre d'expérience prouve que notre microbiote, on parle bien de ces micro-organismes qui sont dans notre intestin, ont une influence sur notre cerveau, notre façon de penser, notre humeur parfois aussi? La base de travaux qui permettent de démontrer l'importance fonctionnelle que peuvent avoir les microbes, c'est l'utilisation de modèles animaux qui sont élevés sans germes, qu'on élève dans des bulles stériles, qu'on élève avec de l'alimentation stérile, dans des cages stériles, etc. Donc et dépourvu de microbiote. Totalement dépourvu de microbes depuis leur naissance, en fait, et qu'on peut inoculer, auquel on peut apporter un microbiote, alors un microbiote animal ou un microbiote humain, dans sa complexité. Et dans ce cas-là, on a la possibilité, en comparant l'animal sans germes et l'animal colonisé, de démontrer les rôles et les fonctions que peuvent exercer les microbes. Et alors, on observe quoi, par exemple ? Alors, ça documente ce qu'évoquait Harry à l'instant, c'est-à-dire la contribution à la dégradation de composés alimentaires, avec le potentiel de valorisation d'une part de l'énergie, par exemple, que nous apporte l'aliment, notamment la composante alimentaire de type fibre, qui n'est pas utilisée par les enzymes de digestion humaine, mais c'est aussi la détoxification de composés nocifs, et puis c'est aussi tout ce que Harry évoquait sur l'interaction avec les défenses naturelles, la stimulation permanente avec le système immunitaire. Mais on parlait à l'instant de l'effet sur le cerveau, alors qu'est-ce que l'on observe dans le comportement de ces souris qui peut changer en fonction des variations du microbiote? Alors ce que l'on a pu montrer, c'est des collègues de Suède notamment qui ont fait ces travaux-là, c'est que si l'on compare des animaux colonisés avec un microbiote avec des animaux sans germes, eh bien on n'a pas du tout les mêmes comportements, et en souris, la présence du microbiote intestinal rend les animaux anxieux sur des mesures formalisées, normalisées de comportement. Un comportement anxieux peut dépendre de la nature de ces bactéries que l'on a ou pas dans son tube digestif. Alors également, en tout cas chez la souris. Alors après, est-ce que c'est transposable à l'homme ? Alors pour l'instant, ce que l'on a comme démonstration, si on veut s'approcher de ce qui se passe chez l'homme, c'est plus la relation avec des pathologies qui aussi passe par l'utilisation des modèles animaux, entre autres, et un travail à partir duquel on montre que si l'on transfère le microbiote de patients chez des animaux, on est capable de reproduire, de mimer les symptômes de la maladie, nous conduit à penser effectivement qu'il y a ce rôle fonctionnel. Le microbiote chez les humains varie d'un individu à l'autre? Dans quelle proportion, Harry Sokol? Donc en fait, on a chacun un microbiote qui nous est propre, un peu comme nos empreintes digitales. Ou notre génome, ou finalement. Ou notre génome, absolument. Donc on a chacun un génome et un microbiote différent. En même temps, on a quand même des similarités. De la même manière que dans notre génome, on est capable de reconnaître toutes les similarités qu'il y a d'un individu à l'autre. Donc il y a des fonctions qui semblent conservées chez l'ensemble des sujets sains. Et donc, on va retrouver un certain nombre de bactéries, probablement vraiment comme des piliers du microbiote, chez tout le monde. Et puis, à côté de ces bactéries qui représentent le cœur de ce microbiote, il y a une grande variabilité d'un individu à l'autre. Alors, notre mode de vie à l'occidental semble malmener notre microbiote. Des chercheurs ont voulu comparer le microbiote des occidentaux à celui de personnes vivant dans des conditions très différentes, dans des tribus au contact de la nature, par exemple. C'est ce qui a conduit un anthropologue américain à aller à la rencontre du peuple Hadza en Tanzanie, qui vit de chasse et de cueillette. Il faudra des mois et de nombreuses discussions autour du feu pour convaincre les derniers chasseurs-cueilleurs Hadza que leurs excréments sont précieux pour la recherche. La confiance installée, celui que la tribu a surnommé Dr Mavi, Dr Merde en swahili, fait de multiples prélèvements. En étudiant les populations occidentales, on trouve X espèces de bactéries. Mais chez les Hadza, ce nombre est beaucoup plus élevé. Ils ont presque deux fois plus de diversité. Le microbiote d'un Africain comme un Hadza est plus proche de celui d'un Amérindien d'Amérique du Sud, alors qu'ils vivent sur deux continents différents, que du microbiote de n'importe quel urbain, qu'ils vivent au Japon, en Chine, aux USA ou en France. Un extrait du documentaire Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre, qui sera diffusé ce soir sur Arte à 22h20. Joël Doré, qu'est-ce qui explique que le microbiote des citadins qui vivent à l'occidental soit si pauvre par rapport à celui des tribus plus ou moins isolées, en lien avec la nature en tout cas? Alors, on peut pas donner de réponse certaine par rapport à cette question importante. Par contre, on sait qu'on a maltraité, j'ai envie de dire, notre microbiote et notre relation homme-microbe depuis plusieurs générations déjà, notamment à travers ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. Donc c'est ce passage d'une alimentation très riche en fibres à une alimentation où on enrichit beaucoup les sucres simples, où on enrichit beaucoup les protéines et les graisses animales, et qui est un petit peu dur pour notre microbiote dans la mesure où parmi les sources de carbone et d'énergie qui lui sont apportées par notre alimentation, les fibres occupent une place importante. Et donc on a un collègue américain qui a travaillé sur l'animal et qui a montré que si on diminue drastiquement l'apport de fibres, on peut diminuer drastiquement sur les animaux la diversité et la richesse du microbiote, et au bout de 3 ou 4 générations perdre jusqu'à 30%, c'est également dans le documentaire, et on ne peut pas reconstituer ce microbiote-là qui est définitivement perdu, sauf à réintroduire le microbiote de départ. Alors on verra, hein, c'est possible. Maintenant, on envisage des façons de le faire. On verra ça dans la suite de cette émission. D'autres façons d'agresser notre microbiote, il y a les antibiotiques, Harry Sokol. Alors les antibiotiques, on le sait, c'est fait pour tuer des bactéries, mais ça fait pas le détail. Ça tue les méchantes comme les gentilles. Disons que les antibiotiques, c'est effectivement non spécifique. Hein? Donc voilà, c'est un peu une bombe atomique qu'on lance. D'abord, ce qu'il faut quand même dire et ce qu'il faut pas oublier, c'est que les antibiotiques, ça sauve des vies et ouais, que bien sûr. Voilà, c'est extrêmement important. Mais encore faut-il les utiliser avec une intelligence et une précision aussi forte que possible. Donc les antibiotiques, on a probablement tous fait l'expérience de leurs effets sur notre microbiote. Certains antibiotiques à large spectre peuvent entraîner une diarrhée et ça c'est monsieur et madame tout le monde qui en fait l'expérience tous les jours. Ce que l'on sait en tout cas, ceux qui prennent des antibiotiques, on ne prend pas des antibiotiques tous les jours normalement, chez monsieur et madame tout le monde normalement non. Ouais. Ensuite, ce que l'on sait, c'est que une agression type antibiotique sur le microbiote, ça va entraîner une perturbation, une diminution très forte de la diversité et aussi de la quantité de bactéries dans l'intestin. Et puis, une fois que cette perturbation est passée, le microbiote va avoir tendance à revenir à l'état initial, c'est ce qu'on appelle la résilience. Le problème, c'est que si on répète ces perturbations, ces prises d'antibiotiques, eh bien, au bout d'un certain temps, on ne va plus arriver à revenir à l'état initial. C'est un peu comme un ressort qu'on va étirer une fois et qui va revenir à l'état initial. Mais si vous l'étirez 10 fois de suite, il revient plus à l'état initial. C'est exactement la même chose. Le mode d'accouchement aussi, on l'apprend hein, en regardant ce documentaire qui sera diffusé sur Arte. Les accouchements par césarienne modifie la flore intestinale du bébé et du futur adulte. Alors, à travers quelques générations, on a effectivement changé tout ce qui entoure la naissance, en termes de mode de naissance et l'environnement de naissance, et la naissance par césarienne est un élément important. En fait, c'est un mode de naissance qui interdit la transmission, ce qu'on appelle la transmission verticale de la mère à son nouveau-né, c'est-à-dire le passage de la filière vaginale et un moment d'exposition majeure d'un nouveau-né qui vient d'un environnement virtuellement stérile et donc qui va capter son inoculum princeps, son début de vie dans un monde microbien, et qui va conditionner énormément de choses de sa vie d'après. Donc ce sont les bactéries, la flore bactérienne de sa maman, ce que vous exactement, appelez cet inoculum. Exactement, l'inoculum, c'est les bactéries, la flore, alors en partie intestinale de sa maman, qui est acquise ou à laquelle il est exposé au moment de la naissance, et puis qui va progressivement, à travers les 3 premières années de vie, se structurer dans la flore de l'adulte, en fait. Et c'est un moment important. Alors aujourd'hui, on est à un stade où, dans certains pays, dans certaines villes, 90% des naissances sont faites par césarienne. Donc on pense, au niveau de la communauté scientifique, que quelques générations, avec un taux de césarienne aussi élevé, peuvent conduire à un changement de la relation aux microbes et de la biologie humaine. Et certains additifs alimentaires pourraient aussi avoir un effet sur notre microbiote. Des chercheurs ont testé l'effet d'additifs sur le microbiote de souris. Les additifs testés étaient le E433 et E466, deux émulsifiants qui sont beaucoup utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Donc ici, chez des souris qui n'ont bu que de l'eau, on voit que les bactéries du microbiote intestinal en rouge sont gardés à distance de la surface de notre intestin grâce à la présence d'une couche de mucus ici, qui est marquée en vert. Et du coup, chez les souris qui ont bu des additifs alimentaires, notamment les agents émulsifiants, les bactéries s'y pénètrent la couche de mucus et viennent se positionner vraiment très proche de la surface de notre intestin où elles vont pouvoir induire une inflammation intestinale et des dérégulations métaboliques et notamment elles développer une obésité et un diabète de type 2. On ne s'attendait pas à des effets aussi sévères et à des maladies aussi poussées chez la souris. On peut penser que ces additifs alimentaires, les agents émulsifiants et d'autres peuvent avoir les mêmes conséquences chez l'homme, donc c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Et on peut penser que ces additifs alimentaires pourraient favoriser l'épidémie actuelle d'obésité et de dérégulation métabolique chez l'homme. Le chercheur Benoît Chassin, toujours dans ce documentaire « Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre ». Joël Doré, alors là c'est sur des souris, mais on se dit qu'il y a des chances que ce soit pareil pour les êtres humains. Et ces additifs, on teste deux additifs, mais il y en a beaucoup plus. Alors est-ce qu'on est en train de faire un carnage ou de dérégler les microbiotes avec tous ces additifs ? Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Sylvie Gillemant et Thierry de Lestrade, quand ils ont fait ce reportage-là auprès de Benoît Chassin, qui était aux États-Unis à l'époque, ont eu finalement cette primeur de résultats sur la souris. Mais depuis, Benoît Chassin a effectivement montré qu'on trouve des résultats analogues chez l'homme. Et donc on est dans cette situation où on peut, à travers des choix alimentaires, et finalement altérer le microbiote intestinal. Peut-être un peu directement, peut-être aussi indirectement, parce qu'on voit qu'on stimule une réaction inflammatoire, et donc à travers ça, on va effectivement aggraver un petit peu plus encore la déviation du microbiote intestinal. Alors, Harry Sokol, si on s'en inquiète, c'est qu'on se rend compte parallèlement que ces déséquilibres du microbiote sont de plus en plus impliqués dans de nombreuses pathologies, dans de nombreuses maladies. Oui, en fait, c'est finalement assez logique. Si le microbiote joue un rôle si important dans des fonctions très importantes de notre physiologie normale, eh bien, si le microbiote est altéré, s'il marche moins bien, il est assez logique de penser qu'il peut jouer un rôle dans les maladies. Et donc aujourd'hui, on sait que le microbiote joue un rôle dans différentes maladies, des maladies dans l'intestin, évidemment, une maladie infectieuse qui s'appelle l'infection à Clostridium difficile, qui fait par exemple aux États-Unis 25 000 morts par an, et qui est lié notamment à la prise d'antibiotiques répétés et à l'appauvrissement du microbiote, mais aussi des maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, peut-être toujours dans l'intestin le développement du cancer du côlon. Et puis, en dehors de l'intestin, comme les molécules produites par les bactéries vont pouvoir diffuser hors de l'intestin, aller dans le sang et atteindre tous les organes de notre corps, un effet très probable dans les maladies inflammatoires hors de l'intestin, articulaires, arthrite, cutanée, psoriasis, peut-être cérébrale, sclérose en plaques, et également possiblement dans d'autres maladies neuropsychiatriques comme la dépression, l'anxiété, l'autisme. On l'entend, l'appauvrissement du microbiote serait impliqué dans de nombreuses maladies chroniques. L'étude du microbiote intestinal laisse entrevoir de nouvelles voies thérapeutiques comme la transplantation fécale, par exemple. Nous allons en parler dans un instant avec nos invités Joël Doré et Harry Sokol. Vous écoutez France Inter, du vent dans les synapses. Je le savais, le cœur a ses failles. Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché? Un vague à surfer, C'était Vague à l'âme sœur de Vanessa Paradis sur France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et nous nous intéressons au microbiote intestinal, ces micro-organismes qui peuplent nos entrailles et qui ont une influence sur notre santé. En compagnie de deux spécialistes, Joël Doré, microbiologiste, et Harry Sokol. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine. Alors vous nous avez cité une liste de maladies dans lesquelles le microbiote pourrait être impliqué. Il faut quand même qu'on précise, Harry Sokol, que ce n'est pas automatique et ce n'est pas la seule cause de toutes ces maladies. Il ne faut pas non plus complètement inverser l'explication. Absolument. On a ignoré le microbiote pendant de très nombreuses années, mais ça ne veut pas dire que le microbiote est responsable de tout maintenant qu'on en parle. Donc probablement que dans certaines maladies, ce microbiote va avoir un rôle très important, primordial, et puis dans d'autres, il aura un rôle, mais peut-être un petit peu plus secondaire. Dans quelle maladie est-il le plus impliqué, le plus suspect? Alors aujourd'hui, on sait que le microbiote est extrêmement impliqué dans une maladie infectieuse qui est l'infection à Clostridium difficile. Cette infection qui est directement liée à des anomalies de notre microbiote, induit le plus souvent par des antibiotiques. Donc là, c'est une maladie quasiment à 100% liée au microbiote. Pour les autres maladies, on sait un petit peu moins. Ouais, pour le diabète de type 2. Alors, on a des données publiées par différents collègues en France et dans d'autres pays qui suggèrent que le microbiote est un acteur. D'abord, lorsqu'on regarde le microbiote de patients atteints d'un diabète de type 2 et qu'on le compare à celui de sujets sains, eh bien, on voit des différences à la fois en composition, mais aussi dans la manière dont ce microbiote fonctionne. Mmh. Et ensuite, chez la souris, dans différents modèles, eh bien, on se rend compte que si on modifie le microbiote, on va modifier la sensibilité des souris à cette forme de diabète. Pour l'asthme aussi, le microbiote pourrait être impliqué? Oui, le microbiote semble impliqué également dans l'asthme. On a des données humaines qui montrent que, en fonction du microbiote dans la petite enfance, eh bien, il va y avoir un risque de développer un asthme un petit peu plus tard dans la vie, notamment si on a reçu, par exemple, des antibiotiques. On revient un petit peu toujours sur les mêmes causes. Des perturbations de ce microbiote tôt dans la vie vont entraîner un risque supplémentaire de développer notamment de l'asthme. Joël Doré, on l'a évoqué dans la première partie, mais l'obésité aussi, il pourrait y avoir un facteur déterminant qui dépendrait du microbiote dans le fait que certaines personnes qui mangent autant que d'autres souffrent d'obésité. Alors ce qu'on a observé dans l'obésité, c'est effectivement, de façon analogue à de nombreuses autres pathologies, une déviation du microbiote intestinal chez les patients par rapport au sujet sain. On a montré également que quand on transfère le microbiote d'humain vers des animaux sans germes, comme on l'évoquait tout à l'heure, et notamment à travers une étude qui portait sur des jumeaux discordants pour l'obésité, un des jumeaux étant obèse et l'autre pas, eh bien, quand on transfère le microbiote du jumeau obèse, on va effectivement induire un risque de développement d'obésité chez les souris par rapport à son jumeau non obèse. Ouais. Alors, ça ouvre une piste pour la médecine, ça. Est-ce que en réparant le microbiote, on peut améliorer la santé de certains patients? Harry Sokol. En tout cas, c'est une hypothèse qui est tout à fait valide et qui est poursuivie très activement actuellement. Si le microbiote est impliqué dans les maladies et qu'il est altéré, ça devient une cible thérapeutique, tout simplement. Donc aujourd'hui, on travaille sur ce genre d'approche. On peut moduler le microbiote de différentes manières. Il y a d'abord l'alimentation, c'est la manière la plus simple, je dirais, et aussi assez efficace pour modifier son alimentation. Si on change son alimentation en partant d'une alimentation très occidentale à un régime enrichi en végétaux, en quelques jours, notre microbiote se modifie de manière très importante. Donc l'alimentation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ensuite, on peut mentionner les probiotiques et les prébiotiques. Alors c'est quoi ça? Alors les probiotiques, ce sont par définition, on va dire, des micro-organismes, bactéries ou levures, qu'on va ingérer normalement vivantes et qui vont avoir des effets bénéfiques sur notre santé, ce qui est une définition relativement vague, mais effectivement c'est un moyen d'avoir un impact. Et le probiotique le plus utilisé, c'est tout simplement le yaourt que l'on consomme de manière quotidienne. Mais ça marche vraiment ça, Joël Doré, réensemencer sa flore en mangeant des yaourts? Alors on a quelques données sur des souches, c'est vraiment la souche qui est importante, c'est-à-dire qu'on peut pas généraliser du tout, il faut que ce soit une bactérie très particulière pour vraiment démontrer les effets. On a des données qui nous montrent que les bactéries pendant le transit sont capables d'avoir des effets. Elles vont par exemple protéger contre les effets induits par un traitement antibiotique en renforçant notamment notamment la robustesse écologique de notre écosystème intestinal. C'est vrai pour certaines bactéries, pour certaines levures. On a des données sur leurs propriétés d'interaction avec nos défenses naturelles. Elles peuvent, dans certains cas, pour certaines souches, renforcer les défenses naturelles. Et donc sur cette base-là, sur la base de démonstration chez l'homme, chez l'animal, on va effectivement documenter des effets avérés. Il y a une tendance aujourd'hui à un petit peu généraliser qui est dommage parce que effectivement, il faudrait qu'on ait la démonstration scientifique dans un petit peu plus de probiotiques que ce qui est proposé aujourd'hui de façon assez large j'ai envie de dire, au consommateur, à monsieur tout le monde qui est un peu livré à lui-même pour essayer de voir si pour lui ça marche ou pas. Et puisque les scientifiques cherchent, en tout cas les médecins, à enrichir les microbiotes de patients qui ont un microbiote appauvri, eh bien les excréments de personnes au microbiote riche et sain deviennent intéressants pour les médecins, à tel point qu'un microbiologiste aux États-Unis a créé une start-up d'un genre nouveau, une banque d'excréments. Il y avait un grand besoin, un grand vide à combler. On est arrivé et on a fourni une solution qui a vraiment aidé les patients et les médecins. C'est eux-mêmes qui le reconnaissent d'ailleurs. Chaque matin, dans les locaux d'Open Biome, c'est un peu la valse des donneurs. À $40 la crotte, une activité régulière peut se révéler lucrative à la fin du mois, $1000 pour les plus assidus. Mais si les vocations sont nombreuses, peu de candidats sont retenus. Nous sommes très rigoureux dans notre processus de sélection. Les candidats doivent répondre à 200 points d'un questionnaire médical avec un médecin de l'équipe. Leurs selles et leur sang sont soumis à 30 analyses différentes. Et à la fin de tout cela, s'ils remplissent les critères, alors ils peuvent devenir donneurs. Harry Sokol, qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces crottes achetées à prix d'or ? Alors, la transplantation fécale, aujourd'hui, elle s'est utilisée en pratique clinique dans une seule indication. C'est la maladie dont je vous parlais précédemment, cette infection à Clostridium difficile et notamment dans ses formes récidivantes. Et dans cette indication-là, ça marche de manière quasiment magique. C'est des taux de succès supérieurs à 80 ou 90%. Alors vous êtes, Harry Sokol, responsable pour la France du programme de transplantation fécale. Même si, en écoutant un peu le terme, on a une idée de ce que ça peut être, qu'est-ce que c'est exactement la transplantation fécale ? Alors le concept de transplantation fécale, c'est extrêmement simple. Il s'agit d'essayer de remplacer un microbiote anormal chez un patient pour lequel on pense que son microbiote anormal joue un rôle dans la maladie, par le microbiote d'un sujet sain qu'on a bien sûr préalablement dépisté pour énormément de maladies, pour éviter de transmettre quelque chose d'indésirable. Et alors comment on s'y prend ? C'est extrêmement simple en pratique. Il s'agit de récupérer les selles d'un donneur, de les homogénéiser. Donc on va les mélanger avec du sérum physiologique, c'est-à-dire de l'eau salée pour être simple. Et puis ensuite on va filtrer juste pour retirer des résidus alimentaires. Et puis, on va mettre cette préparation au congélateur avec une substance qu'on appelle cryoprotectante qui va empêcher la mort des bactéries à la congélation. Et ensuite, on va attendre les résultats des examens qui sont réalisés. Oui, sur le donneur, pour être sûr que le donneur n'est pas porteur de germes qui vont rendre encore plus malade celui que l'on veut soigner avec cette transplantation fécale. Une fois que tous les tests sont positifs, on décongèle, j'imagine, le prélèvement. Et comment on introduit ça dans la personne que l'on veut soigner ? Alors, l'introduction se fait par les voies naturelles. Ça peut se faire par le bas ou par le haut. Donc, si c'est par le bas, ça peut se faire au cours d'une coloscopie. Ouais. Ou tout simplement par un lavement, donc là c'est vraiment extrêmement simple. Si c'est par le haut, ça peut être via un petit tuyau qu'on passe du nez jusque à l'estomac ou au début de l'intestin grêle. Et enfin, la dernière possibilité, c'est d'utiliser des gélules qui contiennent des matières fécales congelées et qu'on va tout simplement avaler. Mais ce sont des pratiques médicales qui ont déjà cours ou c'est en test aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui on pratique dans les hôpitaux des transplantations fécales ou ces petites gélules à base d'excréments ? Est-ce qu'elles sont déjà disponibles ? Alors, aujourd'hui, elles ne sont pas disponibles dans le sens où on ne peut pas les acheter à la pharmacie de cette manière-là. En revanche, il y a un certain nombre de centres hospitaliers qui ont réalisé l'intérêt de cette pratique, notamment pour l'infection à Clostridium difficile, qui se sont organisés pour produire localement des préparations fécales. Et donc, on réalise des transplantations fécales de manière tout à fait quotidienne dans certains hôpitaux, pas partout en France malheureusement, pour traiter les infections à Clostridium difficile uniquement. Oui. Alors vous dites malheureusement parce que finalement on est dans une sorte de transition. Aujourd'hui, les tests prouvent que c'est efficace, mais la pratique ne s'est pas encore généralisée. Donc ça veut dire que certains patients pourraient bénéficier de cette technique et ce n'est pas encore disponible partout. Très clairement, pour l'infection à Clostridium difficile, il y a un manque d'accès à cette technique. D'abord parce que les médecins ne sont pas tous au courant et puis tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à diffuser suffisamment cette méthode aussi du fait d'un manque de moyens. Et alors, si j'ai bien compris, Clostridium difficile, c'est une bactérie qui colonise le tube digestif et l'intestin après une prise d'antibiotiques et en fait qui vient remplacer les bonnes bactéries et qui engendre des diarrhées préjudiciables. Schématiquement, c'est exactement ça. Ouais. Une maladie écologique, en fait, pour laquelle finalement on a un traitement écologique qui marche bien. On va reconstruire l'écosystème et ce faisant, on va éliminer la bactérie pathogène. Et comme l'évoquait Harry, ça marche très très bien dans plus de 90% des cas, mieux que de nombreux médicaments en fait disponibles aujourd'hui. Je voulais ajouter un élément. En fait, on a donc toutes ces avancées qui sont faites au-delà de Clostridium difficile, qui est le traitement reconnu par les agences réglementaires en France, aux États-Unis et en Europe, partout. Donc on va explorer l'aptitude à cette démarche thérapeutique, à agir dans pratiquement toutes les pathologies qu'on a évoquées, qui sont des maladies chroniques, des grandes maladies de société, des maladies épidémiques aujourd'hui qu'on contrôle pas bien et pour lesquelles on a envie de savoir si ce traitement-là serait une démarche appropriée. Oui, toutes les maladies d'inflammation intestinale pourraient être traitées par ce genre d'approche. Alors, Harry Sokol, les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, ce sont probablement les maladies pour lesquelles on a le plus de données en dehors du Clostridium difficile. Ouais. Dans la rectocolite hémorragique, on a 4 essais bien faits qui montrent un bénéfice à faire de la transplantation fécale. Et il y a de nombreuses études en cours, et notamment à l'hôpital Saint-Antoine. Nous avons réalisé une étude pilote dans la maladie de Crohn qui est très encourageante. Et nous venons de débuter une grande étude dans la rectocolite hémorragique qui sera suivie par une autre étude dans la maladie de Crohn dans les prochains mois. Encore plus surprenant, d'autres recherches ont montré que l'état du microbiote de patients atteints de cancer pouvait avoir un impact sur l'efficacité d'une chimiothérapie ou d'une immunothérapie. Plus précisément, la chercheuse Laurence Zitvogel a étudié l'effet d'antibiotiques pris avant une thérapie anticancer. Les résultats de son étude ont fait la une de la revue Science. Ces antibiothérapies étaient capables finalement de bloquer l'efficacité des traitements du cancer, que ce soit des chimiothérapies ou des immunothérapies. Et cette démonstration a été apportée dans plusieurs systèmes de tumeurs qu'on peut implanter chez une souris. La chimiothérapie et l'immunothérapie ne fonctionnent donc pas chez les souris au microbiote appauvri. Mais qu'en est-il chez l'humain ? En épluchant les dossiers des malades, l'équipe découvre que, comme chez les souris, ceux qui ont pris des antibiotiques quelques semaines avant la chimiothérapie ou l'immunothérapie ont moins bien répondu au traitement que les autres. Donc là, on a pu conclure de façon sereine que probablement on avait besoin de notre flore intestinale pour pouvoir monter une réaction immunitaire efficace contre le cancer. Un nouvel extrait du documentaire Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre, qui sera diffusé ce soir à 22h20 sur Arte. Joël Doré, ça ouvre des perspectives incroyables. Hein. On a bien compris, ce sont des thérapies lourdes pour soigner des cancers qui pourraient être plus efficaces si, avant de les appliquer, on réparait un peu le microbiote. Oui, tout à fait. Donc, ce travail avec Laurence Zitvogel a été très très éclairant par rapport à ça, en partie avec l'INRA d'ailleurs, montrant que la composition du microbiote intestinal est un déterminant de la réponse au traitement, alors que pour des traitements lourds et chers également, moins de 50% des patients répondent aujourd'hui. Donc on a cette piste majeure pour agir et peut-être aider beaucoup plus de patients à répondre. Alors on est sur un schéma où peut-être on peut utiliser une bactérie ou deux qui semblent être manquantes. Peut-être qu'on peut aussi utiliser l'écosystème complet et se rapprocher du transfert de microbiote fécal dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Harry Sokol, on peut imaginer qu'à l'avenir, avant toute intervention d'un médecin ou de prise de traitement, on analysera le microbiote pour savoir si c'est déjà de là que vient le problème ou s'il faut le réparer pour pouvoir administrer un médicament. Oui, donc il y a une recherche vraiment très active pour rechercher ce qu'on appelle des biomarqueurs dans le microbiote, donc des éléments qui vont nous permettre de prédire la réponse à un traitement, ou alors même de faire un diagnostic d'une maladie. C'est le cas avec la cancérologie et les immunothérapies dont on a parlé, mais on peut tout à fait imaginer la même chose avant de commencer un traitement pour une maladie de Crohn, pour du psoriasis ou toute autre maladie. Joël Doré, vous êtes un des pionniers de la recherche sur le microbiote. D'ailleurs, Harry Sokol était votre thésard, si j'ai bien compris. Il a effectué sa thèse sous votre direction. Vous vous attendiez, lorsque vous avez commencé à travailler sur ces sujets, à ce que l'on fasse des découvertes aussi importantes, parce qu'on n'est pas loin de la révolution en médecine, là. Hein. On est dans une révolution à la fois portée par l'importance épidémiologique, en fait, hein, ce qu'on a évoqué sur le fait qu'on travaille sur le microbiote et son altération dans les grandes maladies, mais aussi sur le fait que la technologie a énormément évolué et ça nous porte aussi beaucoup. On est capable aujourd'hui de faire une photographie du contenu génétique du microbiote intestinal depuis le tournant du siècle à peu près, et ça nous a également énormément apporté en termes de potentiel de caractérisation du microbiote intestinal, avec la possibilité d'accompagner des traitements qui sont aujourd'hui soit des impasses thérapeutiques dans certains cas, soit la possibilité de compléter le choix du clinicien par cette photographie du microbiote intestinal. On termine rapidement avec un conseil pour prendre soin de notre microbiote. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours? Moi, je dirais que maintenir la richesse du microbiote intestinal passe par l'alimentation, et une alimentation enrichie en fibres. Ouais, beaucoup de fibres, c'est-à-dire beaucoup de fruits, de légumes, en quantité, et pas forcément les mêmes. En quantité et en diversité, et on l'évoque dans le documentaire, 25 fruits et légumes différents par semaine. Ah oui, par semaine. C'est encore mieux que 5 fruits et légumes par jour si c'est les mêmes tout le temps. Un conseil à ajouter à cela, Harry Sokol? Le médecin dira utiliser les antibiotiques avec précaution, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les antibiotiques sauvent des vies, mais les utiliser quand c'est nécessaire uniquement. Merci à tous les deux. Pour en savoir plus, à découvrir donc ce soir sur Arte à 22h20, Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre. Merci Joël Doré et Harry Sokol. Merci. Merci. À 16h, nous mettrons le cap sur l'Antarctique avec le glaciologue Cyprien Verseux, qui a passé 9 mois isolé dans la base scientifique Concordia au cœur du continent blanc. Et dans un instant, ce sera la revue d'actu avec Sophie Becherel et Mathieu Novak. Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blan. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Amor, Luca Santana. Pourquoi est-ce que je monte là? Qui peut répondre? Pour vous grandir? Non! Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Du vent ? Vous ne me croyez pas ? Allez, venez. Dans les synapses. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Daniel Fievé. Et pour nous grandir autour de la table, Mathieu Novak de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Un soldat sait que la vie d'une fourmi en tant qu'individu ne compte pas. Ce qui compte, c'est la colonie. Le soldat veut vivre pour la colonie, se battre pour la colonie, mourir pour la colonie. Vous êtes les troupes d'élite de la reine. Je sais que chacun de vous fera son devoir. En avant ! Marche ! Un extrait de Fourmis, et bien avant les fourmis, d'autres petites bêtes avaient déjà des comportements collectifs, Sophie Bécherel. Oui, il y a 480 millions d'années, ces petites bêtes avaient, comme les fourmis, des comportements collectifs. Vous l'avez dit, ces fourmis à la queue leu-leu, ces gnous qui vont tous ensemble vers un point d'eau, les bancs de poissons bien sûr, les abeilles aussi. Alors là, les petites bêtes fossiles, en l'occurrence, ce sont des trilobites. Alors qu'est-ce que c'est ? Les trilobites, ce sont des arthropodes fossiles, en fait, parmi les premiers animaux sur Terre. Ils se sont développés au paléozoïque, autrement dit, à partir de moins 540 millions d'années jusqu'à moins 250 millions d'années. C'est donc le très très grand âge. Il faut imaginer des sortes de cloportes qui vivent en milieu marin. Voilà, il y a énormément d'espèces dans ce groupe, mais effectivement, vous l'avez bien dit, les cloportes, les limules aujourd'hui, ce sont des arthropodes. Donc il y a beaucoup d'espèces et les collectionneurs d'ailleurs les aiment bien parce que quand ils sont fossilisés, ça fait de très très jolis motifs et puis les géologues, eux, les utilisent pour dater les sols. Alors, les chercheurs français qui viennent de signer un article dans Scientific Reports rapportent que, grâce à leur collaboration avec l'Université de Marrakech et aussi avec des trilobites qu'ils ont trouvés dans plusieurs musées, en France, à Lausanne, à Marrakech, au Canada aussi, ils ont donc trouvé des plaques avec des alignements de trilobites. Alors, des alignements, 20, peut-être plus, disent-ils. Mais c'est même très joli hein, quand on voit les images. C'est très joli, voilà. Internet. Ils sont comme des fourmis, finalement, à la queue leu-leu. Ils ont été figés dans le temps dans cette position, mais effectivement, ils forment des lignes régulières. Ils sont tous orientés dans la même direction, comme les fourmis, et ils se touchent par leurs épines. Ils ont des espèces de grandes excroissances, et en fait, un peu comme des enfants qui se donneraient la main pour traverser une route. Alors, au Cambrien, il y a pratiquement, donc, je vous disais, pas d'animaux sur Terre. Toute la vie se passe dans la mer, et les trilobites aveugles rampaient sur les fonds marins, et ils s'orientaient vraisemblablement avec des signaux chimiques, parce qu'ils ont des petits trous sur leur carapace. Alors, selon l'une des chercheuses, Muriel Vidal, qui est paléontologue à l'Université de Bretagne, l'hypothèse la plus logique, c'est que ce comportement collectif, en fait, servait à passer d'un environnement à l'autre, et vraisemblablement pour se protéger de l'agitation de l'eau, au moment d'une tempête par exemple, pour aller se réfugier dans un endroit plus calme. Pourquoi fait-elle cette hypothèse ? Eh bien parce que cette idée a été vérifiée sur des langoustes dans les mers des Caraïbes. Quand il y a des tempêtes saisonnières, les langoustes se réunissent, se forment des groupes pour se déplacer et justement aller se mettre à l'abri des vagues. Il pourrait y avoir une autre hypothèse de ce comportement collectif présent il y a donc 480 millions d'années. Ouais. Ce serait un réflexe de protection par rapport aux prédateurs. Autant un trilobite seul sur le sable, il est bien visible hein, pour se faire croquer. Autant s'il y en a plusieurs, des proies, bon, le prédateur peut être un petit peu perturbé pour s'attaquer au groupe. Enfin, une autre explication pourrait être l'avantage pour la reproduction, parce qu'évidemment, quand vous rencontrez un groupe, il y a plein de partenaires, voyez. Donc, pour vous accoupler, il y a déjà plus de chances. Ouais. Alors, tout ça, c'est les explications pourquoi ils étaient en groupe. Mais est-ce qu'on sait, parce que c'est comme une photo, hein, cette fossilisation, est-ce qu'on sait comment ils ont été saisis comme ça, en randonnion. Non, il y a eu forcément un retrait de la mer brutal pour qu'ensuite il soit conservé finalement dans ce sable mou et dans ces sédiments. Ouais. Mais les circonstances, on n'y était pas, il y a 480 millions d'années. Mais quand même, un lien social vieux de près d'un demi-milliard d'années. Oui, alors plutôt qu'un lien social, ces chercheurs parlent de comportement collectif. Vous voyez, on n'est pas encore forcément dans l'intelligence des abeilles ou des fourmis, mais c'est effectivement collectif. Et ce qui est assez marrant, c'est quand même qu'ils se tiennent un peu par le bout des pattes, quoi. Mais vous voyez, oui. Comme s'ils avaient besoin de savoir que quelqu'un qui les précède et de servir de guide à celui qui les suit. Oui, on avait déjà observé des crevettes de Chine de 520 millions d'années et on pensait justement qu'il y avait des comportements collectifs, mais c'était pas très clair l'orientation. Là, avec ces trilobites, ils sont vraiment alignés, et pas de doute, ils fonctionnent ensemble. Bon, façon militaire. Hein. Oui, façon militaire. Il faudra plus parler de file indienne, mais de file trilobite. Je pense, hein. Voilà. Ça fait impression. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. On pensait jusqu'à présent que les humains du paléolithique étaient des chasseurs-cueilleurs plus cigales que fourmis et qu'ils vivaient au jour le jour, mais il s'avère qu'ils étaient sans doute plus prévoyants que ça, Mathieu Novak. Oui, en effet, Daniel, on a coutume de dire qu'ils consommaient tout ce qu'ils avaient chassé ou ramassé durant la journée et ensuite qu'ils enduraient de longues périodes de faim lorsque les sources de nourriture se faisaient rares. Mais apparemment, c'est pas aussi simple. En effet, des chercheurs de l'université de Tel Aviv en Israël affirment qu'il y a 200 000 à 400 000 ans, nos ancêtres avaient sorte de boîte de conserve pour les épisodes de chasse maigre. Alors, il ne s'agit pas de boîtes qu'ils auraient fait eux-mêmes, hein. C'est ici des boîtes naturelles et plus précisément des os. Et en particulier des os de daim parce que c'était le gibier le plus abondant. Alors, la plupart des carcasses, elles étaient dépecées sur place pour retirer les muscles et la graisse. Mais il y avait aussi des membres qui étaient rapportés dans les campements. Et ce sont les os de ces membres qui justement viennent d'être analysés dans la grotte de Kessem près de Tel Aviv. Les chercheurs y ont analysé pas moins de 82 000 fragments d'os. Alors, c'est des tout petits bouts, hein, c'est des fragments de maximum 2 cm et dessus, qu'est-ce qu'on observe? Des traces de raclement qui trahissent l'usage d'un outil pour extraire la moelle. Or, on sait que la moelle osseuse constitue un apport alimentaire important. Et c'est pour ça que les chercheurs israéliens ils disent que cette moelle qui conserve ses valeurs nutritives durant de longues semaines. Nos ancêtres, ils savaient bien que ça se conservait et ils la consommaient pas tout de suite quand ils avaient le ventre bien plein, mais ils attendaient un peu. Mais comment sait-on que cette moelle n'a pas été consommée immédiatement? Alors, effectivement, c'était une question à laquelle pas facile de résoudre. Mais ils se sont mis tout simplement dans la peau de nos ancêtres et ils ont utilisé des outils semblables à ceux qu'utilisaient nos ancêtres pour régler la chair et extraire la moelle. Alors, c'est-à-dire des outils de silex ou de quartzite. Et ils ont observé que quand la chair est fraîche, c'est-à-dire dans les 2 semaines qui suivent la mort de l'animal, des incisions courtes suffisent sur l'os pour enlever la chair. En revanche, quand la chair est sèche, il faut un effort plus soutenu. Il faut gratter. Et ça laisse des marques beaucoup plus profondes dans l'os. Or, justement, près de 80% des os qu'ils ont étudiés présentaient de telles marques. Conclusion, du temps avait passé entre la mort de l'animal et l'extraction de la moelle. Conclusion des chercheurs, les os ont été rapportés avec la chair et la peau pour une meilleure conservation. Et ils ont été comme ça conservés, comme des boîtes de conserve pour préserver la moelle osseuse pendant une longue période. Mais est-ce qu'on est sûr que cette moelle pouvait être consommée très longtemps après? Alors, ils se sont aussi posé la question, et alors là, ils ont pris cette fois-ci, non pas des daims, mais des cerfs contemporains qu'ils ont trouvés dans une réserve espagnole, et ils ont stocké les os dans différentes conditions de température et d'humidité. Et oui, ils ont observé que la moelle se conserve bien, mais plus ou moins bien selon la saison. Ils ont vu que, en gros, en automne, on peut la manger 9 semaines après la mort de l'animal. En revanche, au printemps, elle perd significativement de ses éléments nutritifs dès 3 semaines. Alors, cette découverte, elle montre que les populations du néolithique avaient déjà développé des moyens de conservation et tout cela bien avant les frigos. Oui, alors là, on est, vous avez dit 200 000 ans. 200 à 420 000. Ouais. C'est déjà Homo sapiens dont on parle? Alors, parce que vous dites des populations néolithiques un peu pudiquement. Ça peut pas être que du sapiens. On a posé la question aux chercheurs, ils s'avancent pas. Ils savent qu'il y avait des campements, que c'est des homos. Mais lesquels, ils se mouillent pas. On n'est peut-être pas les premiers à avoir inventé la boîte de conserve. Non. Est-ce que c'est du sapiens? A priori, 400 000, c'est un peu tôt pour être du sapiens en Israël. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Sophie, cette semaine a eu lieu une première dans l'histoire spatiale. 2 femmes astronautes ont réalisé une sortie dans l'espace. Mais oui, aussi incroyable que cela paraisse, jamais 2 femmes n'avaient été associées pour une sortie extravéhiculaire. C'est vrai que ça paraît assez incroyable. Oh, dingue, toujours des doublés d'hommes ou mixtes. Et ça dure depuis 1965, puisque la première sortie extravéhiculaire avait été réalisée à ce moment-là par Alexei Leonov. Alors, la raison, évidemment, il y a le faible nombre quand même d'astronautes femmes. C'est pas un métier très féminin, 11% seulement. Néanmoins, j'ai fait un petit calcul. Il y a eu plus de 220 sorties dans l'espace depuis les stations orbitales. Donc cette première féminine, 54 ans après, ça ne correspond qu'à 1,5%. Il y a donc bien un problème. D'ailleurs, dans la salle de contrôle hier de la NASA, on avait le sentiment que l'agence américaine avait vraiment réuni le maximum de personnel féminin possible. Parce qu'il faut visiblement se rattraper. C'est aussi une femme qui a endossé le scaphandre prototype des futures missions lunaires qui a été présentée cette semaine, mission dont la première Artemis est censée emmener au moins une femme, vous le savez peut-être. Et puis l'Inde aussi dit qu'elle enverra une astronaute femme sur la Lune. Mais ce sont toujours des redites finalement, parce qu'aucune agence spatiale ne semble sérieusement penser qu'il faut confier le premier voyage martien à une femme. Oui, une vraie première. Hein. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'exploration, de l'aventure, du danger, mais qui pense sérieusement qu'une femme n'est pas capable de confronter tous ces paramètres? Eh ben, à ce jour, hein, aucune agence spatiale n'a visiblement annoncé qu'il y aurait à tout le moins un équipage mixte. La question semble faire débat, hein, comme si la parité dans le secteur spatial n'allait toujours pas de soi. C'était mon petit quart d'heure féministe. Ah oui, non, mais vous avez bien raison. Là, on ne peut que vous écouter. D'autant qu'elles sont tout à fait capables. Il n'y a aucune différence et elles sont autant entraînées, évidemment. Ça aurait dû se produire il y a quelques temps, mais il y a eu un problème de combinaison. Alors, en plus, voilà, ce doublé féminin aurait dû sortir dans l'espace en mars. Et la NASA, figurez-vous, n'avait prévu qu'une seule combinaison à la bonne taille. Quelle bévue. Oui, quelle bévue. Mathieu, une nouvelle étude sur l'élaboration des souvenirs pendant le sommeil. Alors, ça reste toujours très, très mystérieux. Le sommeil en général et la consolidation des souvenirs en particulier. Comment ça marche ? On ne sait pas bien. Alors, les chercheurs avaient déjà observé qu'il y a une sorte de séquence. Il y a un moment, pendant le sommeil, il y a un réveil spontané de l'hippocampe. C'est cette structure du cerveau qui est liée à la mémorisation. Et après, comme un silence. Et puis après, finalement, une activité rythmique, on appelle ça le fuseau de sommeil, où là, on sait que les souvenirs stables se forment. Mais pourquoi ce silence? Alors ça a beaucoup intrigué les chercheurs, et ils ont regardé de plus près, et ils ont observé que le silence, en fait, il n'est pas total, qu'il y a quelques neurones qui deviennent actifs et qui s'organisent en petits ensembles pour coder de l'information. En fait, quand tout le monde se tait, ils sont au calme pour faire des calculs sans aucune perturbation. Conclusion, même dans le cerveau, il faut du silence pour bien apprendre. Au sommaire du hashtag science cette semaine, Mathieu Novak. Alors, on vous explique tout sur la physique du rugby cette saison et aussi comment les chercheurs vont chercher les extraterrestres dans le ciel. Hashtag science, notre déclinaison de science et avenir pour les jeunes. Merci Mathieu Novak et Sophie Bécherel. Dans la deuxième heure, nous allons partir en Antarctique avec l'astrobiologiste et glaciologue Cyprien Verseux. L'an dernier, il a passé 9 mois dans la base scientifique de Concordia au beau milieu du continent blanc. Avec une dizaine d'équipiers, il a dû affronter des températures de moins 80 degrés, supporter l'isolement, la promiscuité, et puis la nuit polaire, 3 mois sans voir le soleil. Il va nous raconter cette aventure humaine et scientifique. C'est pas perdu puisque tu m'aimes. Un peu moins fort, un peu quand même. Je suis ta solution sans problème. Gadget évident, mais toi maintenant, tu veux plus en jouer. Il faut me garder et m'emporter. Je suis pas périssable, je suis bon à consommer. Te presse pas, tu as tout le temps. M'emmener au cimetière des éléphants. Il faut me garder et m'emporter. Je prendrai pas trop de place, promis, craché, juré. Quand je serai vieux, je te ferai le plan. Cherchez le cimetière des éléphants. Des souvenirs quand on les jette, qui reviennent sans faute dans les maux de tête. Faut pas que je pleure pour que tu me regrettes. Quand tes sentiments, je suis pas pire qu'avant, solvable à mi-temps. Et m'emporter. Je sais que j'ai plus le droit au crédit renouvelé. Je suis dans le safari partant. Mourir au cimetière des éléphants. santé. Je suis pas périssable, je suis bon à consommer. Te presse pas, tu as tout le temps. C'était le cimetière des éléphants d'Eddie Mitchell. Et juste après le flash, on part pour l'Antarctique avec Cyprien Verseux.